Activité 16. L'Italie, stand numéro 16. Le Brésil, stand numéro 9. L'Allemagne, stand numéro 14. L'Espagne, stand numéro 5. Les États-Unis, stand numéro 7. L'Inde, stand numéro 13. Le Mexique, stand numéro 28. La Chine, stand numéro 12.